Lance un appel à toutes les filles bien, pas celles qui s'habillent et se maquillent comme des catins. Je veux une femme sérieuse dans la relation amoureuse, une femme vertueuse qui pour moi sera précieuse. Mon critère c'est pas de savoir si tu suces, tu sers à rien si tu te fais sauter comme une puce. Ton physique m'importe peu si t'as pas une beauté intérieure. Je veux une femme comme ma maman qui a une morale et des valeurs. C'est Djibril, mais là on va m'appeler Gabriel. Je veux une fille qui me susurre des mots doux à l'oreille. Je suis timide, je veux une femme qui me redonne confiance en moi. Une fille qui quand je la vois, mon cerveau crie Eureka. Tu m'intéresses pas si tu me dis je t'aime au bout de 3 jours. L'amour ça prend du temps, j'ai besoin de te faire la cour. Quand tu seras à moi je te jure, j'inonderai de poèmes. Au bout de quelques mois on pourra voir si enfin je t'aime. Je cherche ma reine, elle se fait attendre mais bon je suis patient. Quand ça arrivera elle va me tendre son cœur, j'aurai qu'à le prendre sans peur de l'engagement. Je suis conscient que j'ai des défauts et peut-être que j'en demande trop. Je suis pas l'homme parfait, mais je veux une femme de mon niveau. Y'a des choses que je pardonne pas, comme l'adultère. Une femme et un homme doivent s'aimer jusqu'à la muerte. Âme sœur, je te cherche, finirai-je par te trouver. Je l'espère du fond du cœur que toi et moi on va s'aimer. Des fois je me mets à rêver, à penser à notre futur. Tu porteras pendant 9 mois nos enfants, notre progéniture. Mais bon c'est le futur, nous ne sommes pas encore réunis. Je veux une fille qui s'amuse, qui sourit à la vie, qui use de son charme pour m'avoir comme petite amie, qui me fait galérer avant que je puisse partager son lit. Je cherche ma reine, elle se fait attendre mais bon je suis patient. Quand ça arrivera elle va me tendre son cœur, j'aurai qu'à le prendre sans peur de l'engagement. Gabriel, Djibril.